Liberté d'expression à la sauce Amin Dada. Celui qui dit la vérité doit être exécuté. Vincent Renoir, c'est dur à croire comme la version officielle de l'histoire. Quoi qu'il en soit, je compte pas renier mes origines comme les Windsor. L'amour est aveugle, mais les négresses ça sent quand même. Donc je vois pas pourquoi ça serait pas le cas de Meghan Markle. Tu te gourres si tu crois qu'il n'est question que de mélanine. Demande à quel âge criminel, c'est vraiment très moche l'albinisme. J'en aurais des séquelles si je m'en battais plus les couilles que ça. Chaque fois qu'un bamboula se fait bastosser par la police, parfois je me sens triste, un grand blues m'envahit. Mais là je repense à cette scène d'American History X, quand Derek en caleçon dit au macaque de dire bonsoir juste avant de prendre son élan pour lui faire French kiss le trottoir. La bulle de ma Air Max sur la gueule d'un bougnoule. Pour mes vacances préfère Abu Ghraib à Abu Dhabi. Les négros sont fragiles comme Abu Dhabi. Je les aurais pas pris à mon service si j'étais esclavagiste. Et c'est vrai qu'il y a rien de plus beau que le mélange des cultures. C'est pour ça que je fais de la musique nègre dans laquelle je les insulte, dis à Siré. Deus Vult, je vais mettre fin aux festivités. D'une bastos dans la tête, des fils de pute, des fourrés comme Pistorius, toujours victorieux. Les Ottomans, on leur pisse dessus à la turque. Et pour les descendants de leur colonie, je préconise la torture. Le problème, c'est les bougnoules, la cause, c'est les youpins. Ou médicalement parlant, si l'islam, c'est le sida, le judaïsme, c'est le VIH de Carib dans Silla. Pas besoin d'un dépistage, bien sûr que la France est malade. Ragnarok ou Armageddon, peu importe comment tu l'appelles. Si les forces du bien m'invoquent, je répondrai à l'appel avec leur volonté protocolaire et leur saïanime. Les Israélites vont finir par eux-mêmes provoquer l'option Samson. Jour de colère, j'y étais pas, mais si j'y avais été, j'aurais gueulé comme tous les autres. Juifs, la France n'est pas à toi, combattez-les jusqu'à ce que la religion soit à la seule. Ainsi parlait un fils de pute que certains prièrent pour un prophète. Parfois je tabasse des sales boucaques. Quand je les croise, c'est pas de ma faute à moi. Faudrait des trottoirs plus larges, donc parle-en à Caroline de H. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas de la racla. Les indigènes, c'est nous ici. Pas cette joint d'Ouria Boutelja et sa secte des prépucés. Les apostats ayant tourné dos au Christ pour faire face à la Mecque. Goûteront au supplice éternel des flammes de l'enfer. Faisait de la mort avec un 357. C'est châtiment pour les hérétiques, irrespectueux de la croix sacrée, adeptes de la franc-maçonnerie. L'avenir est sombre, faut un grand budget pour l'éclairer. Clairer. J'aurais bien gigantesque autour d'un fait pédé. Le marteau, la faucille, le phagocyte pour s'en débarrasser. C'est la croix et la bannière rejette la démocratie. Depuis que synagogue et magophie libéré Barabbas. Mais 68 fallait sortir la sulfateuse pour lutter contre la vermine communiste. Les pédophiles comme Cohn Bendit, les grosses putes du MLF, la chatte à Simone Veil, la reine des avorteuses. Qu'elle repose en paix, en enfer. Viens te rejoindre par Caroline Fourès, les féministes, Eric, aux cheveux bleus, aux violets, aux bûchers, les sorcières, Je sais jamais comment commencer un couplet, donc comme ça c'est fait. Ce son c'est un peu la version White Power de Das FX. Chouette pas être amalgamé à ces pédales du FN. J'suis droite extrême, on mélange pas les torchons et les serviettes. Le rap d'aujourd'hui ça pue la merde, pour tout dire j'm'en passerai presque. J'préfère retourner écouter du Jean-Pax mes frères. La proportion négro fragile a explosé de manière exponentielle. C'est pire que les décibels. Point rouge allumé, j'te parle pas du recording. J'préfère la version que donner à celle d'un Icordi. Les blancs ont des troubles identitaires, j'les soigne à coup de 22 dans la carafe. Ruger c'est mieux quand ça plage. Très bien leur mère de pute, ils avaient pas baisé gratos. Faut vraiment être un abruti pour se torcher le boule de la main gauche en croyant que c'est la volonté de Dieu. Putain de son négueuse, un nouveau genre de croisade, tempête du désert. Quand la foule crie pendez les necks, c'est ça que j'appelle une marche blanche. Préfère les carnets Turner au journal d'Anne Frank. Exterminer des sous-hommes quelque part, c'est faire de l'humanitaire. Quand on sera au pouvoir, je compte bien me faire subventionner. Démocratie participative, tous les aliens sont égaux. Si Dieu nous a créé à son image, qu'en est-il des négros? S'agissant des bougnoules, c'est vrai qu'il y en a des très bien. Mais quand j'y réfléchis bien, bah ça reste des bougnoules. J'avoue que je suis plus que circonspect, y'a trop de suceurs de circoncis. On peut pas se prétendre français si on n'est pas antisémite. F de souche contrôlé par les fils de Sion. Mais les gommes se laissent plus berner par leur diversion. C'est pas le fruit du hasard si ça lui fit brûler le Talmud. T'as minimum l'Istaviski pour chaque Alfred Dreyfus. Chaque fois que je mets un son sur le net, c'est une nouvelle show à part MP3. Tant qu'ils en tireront pas les enseignements, l'histoire se répétera. Le communisme c'est de la merde, c'est prouvé. Ils ne sont pas foutus de l'admettre. Il était plus que temps de leur montrer que l'haine de Kassovitz n'est qu'une pâle copie de la nôtre. Les punks à chiens crasseux qui prennent une douche tous les 6 mois. Quand y en a qu'un ça va, ça reste supportable pour l'odorat. Mais dès que ça cesse d'être le cas, faut désinfecter aux cyclones. Si t'as besoin de conseils en la matière, demande au professeur Forisson. Voir ses excités tout casser au nom de la lutte contre le fascisme donne des envies de nettoyage. Façon je pisse na sans tchétchénie. Mais 68 fallait sortir la sulfateuse. Malheureusement ça n'a pas été fait. Vague anti-marxisme inventé par Samuel Colt. Et c'est à nous qu'il revient de l'administrer. Ça fait des piges, commande des équipes. Paris pour la guerre, passion sociale, action française, division nationaliste, révolutionnaire, antifa, fils à papa, qui joue à se faire peur. Leur marcher sur la gueule du pied gauche paraît que ça porte bonheur. Mais je préfère sauter dessus à pieds joints. C'est bien plus apaisant, casque de moto, batte de baseball, punitive expédition. C'est dos au mur que j'excelle comme le NSDAP. Si tu connais le militantisme qu'à travers la DSL, merci de bien vouloir fermer ta gueule et rester à ta place. C'est pas en postant des commentaires que tu feras changer les choses. Continuer de signer des pétitions et de publier sur Facebook. Pendant comme les camelots du roi, on fait en sorte que la France bouge. Cauchemar pour la République, la chose, j'en ai rien à foutre. Il me parle du génocide, Vendée, ainsi je jette mon attention. Je contemple un puissant lama s'endormi des 10 000 en devenir. Qui s'alarme qu'au cri d'Allah Akbar. Alors que c'est chaque jour que Dieu fait qu'il tue des nôtres. Oscar pour Spotlight, Omerta pour Osoram. Mais quand un feu, je prends une claque, ça fait la une du 20h. Ils peuvent dire choucrane à leur petit protégé d'hier. Après avoir rongé la coque, les rats quittent les navires. Voilà une énième bonne raison d'atomiser Israël.